Radio Antigone, le programme télé, le podcast. Avec pour commencer deux gros films sur les deux premières chaînes de la TNT en ce dimanche, TF1 diffusera le film Black Panther, tandis que France 2 à la même heure diffusera Blade Runner 2049. Sur France 3, alors on baisse un peu de niveau, hein, même si c'est tout aussi bien, les enquêtes de Murdoch toute la soirée avec à partir de 21h05 l'épisode fin d'un philatéliste, un collectionneur de timbres bien sûr. Sur Canal Plus, j'ai du mal avec la prononciation depuis quelques temps. Sur Canal Plus, donc à 21h, un film consacré à Diego Maradona, il est nommé comme ça en tout cas. Sur France 5, inédit, documentaire sur le château de Chantilly, une histoire française. Et à 22h35, un autre documentaire inédit, cette fois consacré à Paris, capitale du tiers-monde. Sur M6, capitale et aujourd'hui consacré aux maisons avec jardin. Quel est le prix du rêve pour quitter les grandes villes? Enquête exclusive à 23h10, s'intéresse à l'Algérie, le pays de toutes les révoltes. Sur Arte à 20h55, le film L'ivresse du pouvoir et à 22h40, documentaire sur Isabelle Huppert. Sur C8 à 21h07, le film Dialogue avec mon jardinier. W9 vous propose le film Prometheus à 21h05. TMC, rediffusion de Cold Case Affaires classées. Sur NRJ12, Retrouvailles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on passe à SCP Public Chena qui vous propose dans Rambob Ina de vous parler, toujours de l'histoire avec les archives de l'INA. Sur France 4, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la série La Guerre des Trônes, la véritable histoire de l'Europe, la série historique avec Bruno Solo à la présentation. Sur C-Star, Chicago Fire. Sur TF1, série film inédit, attention, la série télé The Handmaid Tales, la servante écarlate, je vous dis attention hein, puisque c'est un inédit qui n'est pas sur TF1 mais bien sur TF1, série film canal 20 de la TNT. L'équipe vous propose de vivre le match de Ligue 1 Marseille-Lille en commentaire bien sûr sans les images. Sister vous rediffuse Transformers 3, la face cachée de la lune. Voilà pour votre programme télé du jour. Je crois que j'ai un petit peu bien fait un tour de tous les programmes qu'il y a. Vous avez le choix pour votre soirée avant de reprendre le travail demain, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Tous les podcasts de Radio Antigone Tour sont à retrouver sur tour.radioantigone.com.